إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc nous sommes toujours dans la série de hadith les 21 hadiths dans la croyance et les suivis expliqués par Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. Si quelqu'un peut fermer la porte, barakallahu fikoum. Donc, on est arrivé au cinquième hadith. Donc, je m'excuse parce que ma voix est toujours un peu... Je vais essayer de faire un effort pour que tout le monde entende, inshallah. Donc, le cinquième hadith, on a vu donc le premier hadith, deuxième hadith, troisième hadith, quatrième hadith. On avait fait quelques révisions à ce niveau-là et on était arrivé donc au cinquième hadith qui a pour titre. Et en fait, le cinquième hadith, Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, l'a couplé avec le sixième. Donc le cinquième et le sixième vont ensemble et le septième et le huitième vont ensemble également. Donc le hadith, le khamis wa sadis, le cinquième hadith et le sixième hadith, khuturatu du'a'i ghayrillahi ta'ala. Le danger d'invoquer autre qu'Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Donc le cinquième et sixième hadith, on va les coupler tous les deux, inshallah. On va les citer ensemble et le Cheikh va faire l'explication. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme d'habitude, je lis en arabe, inshallah, on traduit ainsi de suite. D'accord ? An ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qal man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. في كتاب التفسير دونك البروميير حديث دابخي ابن مسعود قال لا غري رضي الله عنه لانفوي د الله صلى الله عليه وسلم ادي ودي celui qui meurt en invoquant autre qu'Allah rentrera en enfer. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari, donc on avait dit dans son sahih chapitre de l'exégèse kitab at-tafsir kitab at-tafsir. Deuxième hadith عن جابر رضي الله عنه وارضاه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم. Donc deuxième hadith, c'est le hadith d'après Jabir radiallahu anhu qu'Allah l'agré, celui qui rencontre Allah sans rien lui associer rentrera au paradis et celui qui le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit rentrera en enfer. Et ce hadith est rapporté par Muslim donc dans son sahih, dans son authentique chapitre de la foi, Kitab al-Iman. Donc le premier c'était Hadith ibn Mas'ud, radiallahu anhu ardah, Rawah al-Bukhari, Kitab al-Tafsir. Deuxième hadith, Hadith Jabir, radiallahu anhu, rapporté Rawah al-Muslim, fi Kitab al-Iman. Donc selon la méthodologie qu'on a suivie, que Cheikh Rabi a suivi ici depuis le début, c'est qu'après avoir cité le hadith, qu'est-ce qu'on fait? On fait une biographie succincte, une biographie résumée du sahabi, du rapporteur du hadith. Ici, en l'occurrence, on dit « Sahabiya al-Hadith ». Sahabiya, en arabe, c'est ce qu'on appelle un « Muthanna ». C'est un duel. Sahabiya. On a enlevé le nom, normalement on dit « Sahabiyan hein, ». Deux compagnons. Sahabiyun, un compagnon. Sahabiyan, deux compagnons. Ici, on a enlevé le nom, « Hadifat nun ». Pourquoi ? Pour l'idafa. Sahabiya al-Hadith. Les deux compagnons du Hadith. Donc ici, les deux compagnons. Donc là, juste la lettre « Alif » ici nous donne l'indication que c'est deux compagnons. Les deux rapporteurs du Hadith. Le premier, l'awal, Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hadhali, Abu Abdurrahman, min as-sabiqin, al-awwalin, wa min kibar al-ulama, min as-sahaba, manaqibuhu jammah, wa ammarahu Umar ala al-Kufah, mata bil-Madinah sana 32 hijriyah. Donc le premier sahabi, premier rapporteur de deux hadiths, c'est Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hadhali. Sa kunya, Abu Abdirrahman. Il fait partie des premiers convertis à l'islam et parmi les grands savants des compagnons. Il a beaucoup de qualités et Omar radiallahu anhu arda, donc le second calife de l'islam, après Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab radiallahu anhu arda, l'a placé comme gouverneur de la région de Koufa. D'accord ? Il l'a placé comme, c'est le verbe ammarahu, hein ? Il l'a placé comme Amir barakallahu fikum. Amir ammarahu, hein ? Donc comme gouverneur de la région de Koufa, il est mort à Médine en l'an 32 de l'Hégire. Radiallahu anhu arda. Deuxième compagnon, deuxième rapporteur, c'est qui c'est ? Jabir. C'est Jabir, Jabir ibn Abdillah, ibn Amr, ibn Haram, al-Ansari. Thumma, al-Salami. Il est compagnon, fils de compagnon. Donc, Cheikh dit ici, Sahabi, ibn Sahabi. Sahabiyun, ibn Sahabi, Ghaza, ma'a Rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, 19 ghazwah. Mata bil Madina, ba'da 70. Donc, Cheikh ici dit, hafidahullah ta'ala, il est compagnon, fils de compagnon. Donc, c'est non seulement c'est un compagnon, mais son père également était compagnon. Donc, comme on dit, radiallahu, anhuma. Encore ici le duel, anhuma. Hein? Pourquoi ? Parce qu'on dit radiallahu anhu sur lui et sur son père. C'est comme Abdullah ibn Omar, on dit Abdullah le fils de Omar, mais on dit radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux. Pourquoi ? Parce que Abdullah c'est un sahabi et son père, hein, c'est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu arda. Radiallahu anhuma. Donc, il a pris part à 19 expéditions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Décédé à Médine après la septantaine, hein, c'est-à-dire après 70 ans. Vous voyez que certaines expressions belles sont plus logiques, soixantaine, septantaine. Hein. Ensuite, selon le jargon du hadith ici qui est expliqué par Cheikh Rabi', tafsiru al-mufradat. Tafsiru al-mufradat, d'accord ? C'est quoi ? C'est, on explique les mots de vocabulaire du hadith. Hein, ça nous entraîne dans la langue arabe également. Donc, Cheikh ici dit Ad-du'a. Qu'est-ce que Ad-du'a ? Huwa al-talabu wa al-raghba. Ad-du'a, huwa al-talabu wa al-raghba. L'invocation, c'est la demande et le souhait. L'invocation, c'est la demande et le souhait. Alaykoum salam. Deuxième mot de vocabulaire, le shirk. Al-shirk. Al-nid, afwan. Al-nid, barakallahu fikoum. Al-nid. Al-nid, Cheikh ici dit, huwa al-shabihu wal-mathilu. Al-shabihu wal-mathilu. C'est-à-dire, le semblable, le pareil. Le semblable, le pareil. Al-shirk, troisième mot, al-shirk. Le shirk, ben, c'est l'association. C'est le fait de, Cheikh Dokusi dit en arabe d'abord, huwa an yaj'ala ou yuj'ala lillahi niddan, ici il a dit yaj'ala lillahi niddan, yad'uhu kama yad'ullaha, ou yakhafuhu, ou yarjuhu, ou yuhibbuhu, kama yuhibbullah, ou yasrifu lahu naw'an min anwa' al-ibadah. Fahada huwa al-shirk alladhi la yabqa ma'a sahibihi min al-tawhidi shay. Donc Cheikh ici dit, c'est le fait de donner, c'est quoi le shirk ? C'est important, c'est une définition le Cheikh qui donne ici. C'est le fait de donner à Allah un semblable et de l'invoquer. Comme invoquer Allah et le craindre et espérer en lui et l'aimer. Comme on aime Allah. Donc, c'est-à-dire qu'on invoque cette chose-là, c'est le fait de donner à Allah un semblable et en plus de l'invoquer, comme on invoque Allah et comme on craint Allah et comme on espère en lui et comme on aime Allah. Hein? Ou on lui voue un genre d'adoration. Ceci à l'association qui annule complètement le tawhid de celui qui la commet, ou l'aïadu billah, qu'Allah nous préserve de cela. Donc l'importance, encore une fois, de connaître le shirk pour ne pas y tomber, et connaître le tawhid pour le pratiquer, hein, pour être sur le tawhid. Ensuite, Cheikh rentre directement, vous allez voir que le hadith est très court, et je pense qu'on va faire 4 hadiths aujourd'hui, Inch'Allah. On va faire 5, 6, ce qui vont ensemble, ils sont très courts, et 7, 8, Inch'Allah. Donc, al-ma'na al-ijmali, les hadiths Ibn Mas'ud. Le sens général du hadith rapporté par Ibn Mas'ud. Vous allez voir que Cheikh, il n'explique pas hadith Jabir. Pourquoi, à votre avis? C'est le même sujet. À mon avis, il a rapporté le hadith Jabir comme un shahid, comme un, quelque chose pour renforcer le premier hadith, pour donner un peu plus de dalil. Et Cheikh, en fait, ici, explique que le premier. Donc, il dit, al-ma'na al-ijmali, les hadiths Ibn Mas'ud. Et je pense qu'on a tous la même édition, non? Ça fait l'édition d'Al-Minhaj, hein? Je pense que vous avez que le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud expliqué. Regardez un peu. Il dit ici, al-ma'na al-ijmali, les hadiths ibn Mas'ud. Hein? D'accord? Et après, il n'y a pas, quand vous regardez après, il n'y a pas l'explication des hadiths Jabir. C'est le même sujet, en fait. D'accord? Cheikh dit, hafidhahullah ta'ala, الحديث يبين مكانة الدعاء وأنه من أعظم العبادات ومن أعظم حقوق الله بحيث لو صرفه العبد لغير الله لكان بذلك مشركا والعياذ بالله قد اتخذ لله ندا ومثيلا في الإلهية وفي استحقاق العبادة وهذا تمرد على الله وعناد لأنبيائه والتكذيب لرسله الذين اتفقت دعواتهم ورسالاتهم جميعا على وجوب إفراد الله بالعبادة ومن أعظمها الدعاء. Donc Cheikh ici dit le hadith met en évidence l'importance de l'invocation, qu'elle fait partie des adorations les plus importantes et des droits les plus importants d'Allah. Donc c'est un droit d'Allah. De sorte que si l'adorateur voue cette adoration à autre qu'Allah, il devient par cela quoi, hein? Un associateur, un mushrik. Car il a donné à Allah un semblable et un pareil dans sa divinité et dans son droit exclusif d'être adoré. Le droit d'être adoré, ça revient à Allah, exclusivement à Allah. Personne, hein, ne partage ce droit avec lui, d'accord? Et c'est une désobéissance envers Allah et une indocilité envers ses prophètes et le fait de rendre mensongers ses messagers, alayhi salatu salam jami'an, dont leur prêche et leur message concordent tous sur l'obligation de vouer une adoration exclusive à Allah. Tous les messagers sont venus avec cette da'wah-là, cette prêche-là, c'est de vouer une adoration exclusive, hein, Allah, Allah Azza wa Jal. Et parmi les adorations les plus importantes, quoi? L'invocation, na'am. Si Cheikh continue en disant, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il donne quelques adillah, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, الدعاء هو العبادة. D'accord? Et ça, c'est la riwaya qui est authentique. Une autre riwaya qui est rapportée dans l'usul talata, que beaucoup de gens connaissent également, c'est الدعاء مخ العبادة. Et cette version-là du hadith est da'if. D'accord? C'est un hadith da'if. Et les ulémas ont dit que la bonne version, celle qui est authentique, c'est Ad-du'a huwa al-ibada. D'accord? Ceux qui veulent plus de détails peuvent revenir à Sharh Usul Talata. Wa qala ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbu al-mu'tadin. Surat al-A'raf. Wa qala ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni, astajib lakum. Hein? Cheikh ici ne continue pas, mais la suite vous la connaissez. Hein? Inna alladhina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sourate Ghafir. Wa qala nahin 'an du'a'i ghayrihi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Sourate Yunus. Wa qala fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar fatakuna min al-mu'adhdhabin. Sourate Ash-Shu'ara. Fa da'watu ghayrillahi tu'tabaru ta'lihan lidhalika al-ghayr wa li'yadhu billah. وقال تعالى موبخا للمشركين ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون. سورة غافر. الدين أي الدعاء. Pour partitionner un peu pour que ce soit pas trop long. Comme salam, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc on avait dit que Cheikh Rabi a apporté quelques preuves en plus, il dit la vocation c'est et l'adoration. La vocation est l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. Et dans la traduction rapprochée de la parole d'Allah, invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, mais avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Surat al-A'raf, verset 55, pour ceux qui veulent noter les références. Et Allah nous a interdit d'invoquer autre que lui. Traduction approximative de la parole d'Allah. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Surat Yunus, verset 106. Et pour preuve également, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Surat Ghafir, verset 60. Et également, n'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Surat Shu'ara, les poètes, verset 213. Donc le fait d'invoquer autre qu'Allah, et c'est un point important ici, est considéré comme le fait de le prendre comme divinité. Et nous cherchons refuge contre cela auprès d'Allah. Et Allah a réprimandé les associateurs. Il en est ainsi, car lorsque Allah était invoqué, seul, sans associé, vous ne croyez pas, et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. C'est lui qui vous fait voir l'épreuve et fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Invoquez Allah donc en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Surat Ghafir, versets 12 à 14. Donc ici, Cheikh, dans le verset, on a utilisé le mot din. Mukhlisin lahu ad-din, walaw kariha al-kafirun. On a dit, surat Ghafir, versets 12 à 14, qu'est-ce que ça veut dire ici ad-din, un culte, c'est-à-dire l'invocation. Il a dit, ayyid du'a. L'expliquer ici, c'était quoi ad-du'a. Donc là, on a du tafsir en plus. C'est important de prendre des fawaïd comme ça. Et Allah a dit, en jugeant celui qui invoque autre que lui, il a jugé donc d'égaré, de perdant. Dans la traduction approximative de la parole d'Allah, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et elles, leurs divinités, sont indifférentes à leurs invocations, et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et n'iront leur adoration pour elles. Surat Al-Ahqaf, verset 5-6. Je ne l'ai pas cité en arabe, je pense, celui-là. وقال تعالى حاكما بالضلال والخيبة على من يدعو غير الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سورة الأحقاف verset 5-6 وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولن ينبئك مثل خبير سورة فاطر 13-14 Donc je continue, on traduira après. ومن هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم والسنة المطهرة يتبين لمن فتح الله بصيرته وأنار قلبه وشرح صدره أهمية الدعاء ومكانته في العقيدة الإسلامية ولأجل هذه المكانة توعد الله من لا يخضع له بالدعاء بدخول النار والعياذ بالله صاغرا ذليلا قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين c'est la suite du verset qu'on a cité un peu précédemment sourate Ghafir verset 60 وتوعد من يدعو غير الله بدخول النار كما في هذا الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار Et donc on a rapporté la traduction de du verset de sourate Al-Ahqaf. Également ensuite, tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. C'est la traduction qu'ils ont donnée dans la version que j'ai du Coran du complexe du roi Fahd, que vous avez certainement en français. Donc si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Pour ceux qui veulent la référence, Surat Fatir 13-14. Et de ces textes et de leurs semblables dans le Saint-Coran et la Sunna pure, il apparaît à celui à qui Allah a donné la clairvoyance, a illuminé son cœur et a ouvert la poitrine, il lui apparaîtra donc l'importance de la vocation et sa place dans le credo islamique. Ici, c'est un point important parce que on a souvent un délaissement par rapport à dua, hein, dans ces deux genres, dua al-mas'ala, dua al-ibada. Hein. Pourquoi? C'est souvent parce qu'on ne connaît pas assez de dua. Hein. On n'apprend pas de dua, on n'apprend pas adab de dua, on n'apprend pas amak nisijab de dua, les endroits où la dua est acceptée, les moments où la dua est acceptée, qu'est-ce qui bloque d'être, la dua d'être acceptée, les adab. Hein. Il y a quelques jours, on a fait ça avec les enfants à la Salafi School, on a fait 12 adab, 12 manières à respecter lors des dua. Et on a vu certains temps quand les dua sont acceptés. Par exemple, entre le mercredi, entre le dhuhr et l'asr. Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est un hadith authentifié par Cheikh l'Albani que le dua est accepté entre le dhuhr et l'asr tous les mercredis. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne connaît pas de la sunna, donc évidemment, on ne sait pas. Hein. En profiter. Donc l'importance, encore une fois, d'étudier le dua, d'apporter le dua, d'étudier les genres de tawassul aussi dans le dua, les genres de moyens qu'on peut utiliser pour faire dua, etc. D'accord? Donc ici, le dua, le hadith, il nous suffit. Hein. Dua, huwa al-ibada. Dua, la vocation, c'est l'adoration. Regardez l'importance. Donc ici, Cheikh continue, et c'est en regard à son importance qu'Allah a menacé. Donc, vous voyez encore une fois, une des choses qui nous donne l'importance de dua, c'est qu'Allah a menacé celui qui ne se soumet pas à lui dans la vocation de le faire rentrer en enfer, humilié, méprisable. Sa'iran, il a utilisé le mot sa'iran, quoi? Zalilan. Hein, min al-dhul. Zalilan. Hein, méprisable. Ceux par orgueil qui se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Surat Ghafir, verset 60. Et Allah a menacé celui qui a un vôtre autre que lui de le faire entrer en enfer, comme cela est rapporté dans le hadith qui dit: celui qui meurt en ayant donné un semblable à Allah dans la vocation rentrera en enfer. Donc, ça, on a terminé maintenant avec le sens général du hadith. Hein. Maintenant, on rentre dans Fawaid al-Hadith. Ma yustafadu min al-Hadith. C'est une version, si vous voulez, c'est une synthétisation, la synthèse de, comme on avait dit, Cheikh, il a écrit ce livre pour entraîner, quoi, qui? Des étudiants de l'Université de Médine ou qui participent à des colloques, à des réunions, etc., des conférences, et ça, même nous, entre parenthèses, parce que si on veut faire la da'wa et si on veut être de talabat al-ilm, les former à tirer de quoi? Des istinbat al-ahkam, de tirer les ahkam, d'extraire les jugements, des fawaid de quoi? De ces hadiths-là. Donc la première faïda, la faïda tout l'oula, makanat al-du'a, wa annahu a'zamu al-ibadati lillah. Makanat al-du'a, wa annahu a'zamu al-ibadati lillah. Donc Cheikh Rabbi Hafizallah nous dit ici, premier point, l'importance de la vocation et qu'elle fait partie des adorations les plus importantes. D'accord? Deuxième point, la faïda tout thaniya, je vous laisse terminer de noter, la faïda tout thaniya, إن دعاء غير الله شرك عظيم وظلم جسيم. C'est-à-dire que le fait d'invoquer autre qu'Allah est une grave association et une injustice énorme. Troisième et dernière faïda, et vous voyez, je vous avais dit que c'était assez court. Hein? Troisième et dernière faïda. إن من يدعو غير الله ليس له جزاء إلا النار. Il a donné un qaïd très important. Il a donné quoi? Il a dit in mata ala dhalik. Attention. Il a dit que celui qui invoque autre qu'Allah n'aura d'autre récompense que l'enfer. Pour quand? S'il meurt là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire quoi? Tawba na'am. On peut toujours se repentir. Et avec cela, on a fini le cinquième et le sixième hadith. Qui sait juste me rapporter, sans regarder les notes, inshallah, comme on fait d'habitude, qui sait me rapporter quel est le nom du sahabi du premier hadith? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. D'accord. Qui sait me rapporter quelques points de sa biographie, juste de mémoire comme ça? Qui est-il? Naam. Après, un des premiers convertis, parmi les grands savants des compagnons, barakallahu fik. Il a participé à 19 expéditions, Jazakallahu khairan. C'est le deuxième. Ah, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Il y en a qui suivent, mashallah. Ouais. Le premier. En l'entrant de légère, machin. Quoi d'autre? Faut être précis. Quoi d'autre? C'est tout? C'est lui ou c'est Jabir ça? C'est Abdou ibn Amr. Abdou ibn Mas'oud. Abdou ibn Mas'oud. C'est-à-dire que Omar ibn Khattab l'a placé comme gouvernant, si vous voulez, émir de quelle région? Al-Koufa, qui est en Irak, Naam. Deuxième compagnon, Jabir ibn Abdillah. J'ai dit radiallahu anhu ou radiallahu anhuma? Pourquoi? Parce que son père est sahabi, donc c'est un compagnon, fils de compagnon, Naam. Quelques points de sa biographie? D'abord, Abdullah ibn Saoud, quelle tribu? C'est un Khazraji ou bien on a dit le Khazraji ou bien le Hadali? Pour Abdullah ibn Saoud, vous êtes sûr? Le Hadali. Et pour Jabir? L'Ansari, naam, barakallahu fik. T'as regardé tes notes? En quelle année est mort Jabir ibn Abdullah? Ou à quel âge? J'ai une petite astuce dans la question. Hein, après la septantaine, d'accord? Après, vous dites quoi? La soixante-dizaine, c'est ça? Ok. Qui sait me rapporter quelques points, mais aidez-vous de vos notes peut-être, Inch'Allah, sur le sens général du hadith. Qu'est-ce qu'on peut rapporter de. Et on parle évidemment du hadith de qui? Abdullah ibn Mas'ud, parce que le hadith de Jabir, il n'a pas été expliqué, parce qu'il comprend, il traite le même sujet que le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Qui sait me rapporter quelques points qu'on a vus? Hadith très important. Mais le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit en arabe? Ad-du'a huwa al-ibada. On le traduit en disant. L'invocation, c'est. Et l'adoration. Naam. Donc on voit l'importance de du'a. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui nous prouve que le du'a c'est important? Allah Azza wa Jal a. Me. Vas-y, dis. J'ai entendu un mot, vas-y. C'est juste, hein? Si j'ai bien entendu. Menacé, c'est ça que tu as dit? Non? Hein? Menacé celui qui invoque autre que lui de l'enfer. Naam. C'est ce qu'on appelle hein, en arabe, wa'id barakallahu fik. D'accord? Et ça nous prouve quoi? Que c'est un droit exclusif d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'on ne peut pas le vouer à quelqu'un d'autre, à qui que ce soit d'autre, à quelque chose d'autre. D'accord? Donc c'est un droit, c'est un haqq min haqqoqillah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Qui sait me rapporter les trois fawa'id sans regarder les notes? L'importance de la vocation, naam. Et que c'est une des plus importantes formes d'adoration, barakallahu fik, c'est la première. Deuxième, c'est peut-être pas obligé, plus obligé de le dire dans l'ordre, mais allez-y, lancez-vous. Naam, c'est-à-dire celui qui invoque autre qu'Allah, fait dua à autre qu'Allah, il va en enfer s'il meurt là-dessus. Donc il y a toujours moyen de faire tawbah avant la mort, d'accord? Troisième point. Vas-y. Que c'est une injustice, il a dit thulmun azim wa jasim, hein? Il a dit une grande injustice immense et énorme, si vous voulez, hein? D'accord, le fait d'adorer à Allah, d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Maintenant on a fini donc le cinquième et sixième hadith, on rentre dans le septième et huitième hadith. Donc je profite qu'ils sont assez courts pour les faire aujourd'hui, inshallah. Le hadith السابع والثامن. الأمر كله لله وحده لا يشاركه فيه نبي ولا ملك ولا غيرهما. Donc septième et huitième hadith, Cheikh leur donne comme titre, tout l'ordre divin, donc l'amr kulluhu lillah, appartient à Allah seul et ne se soucie avec lui dans cet ordre ni prophète, ni ange, ni toute autre chose. Donc ça c'est le titre de. Et vous voyez que hein, déjà le fiqh est dans le tarjama, comme on dit, hein, comme l'ulama dit par rapport à Sahih al-Bukhari. Rahmukallah. Par rapport à Sahih al-Bukhari, fiqh al-Bukhari fi tarajumihi. Hein, al-Bukhari dans ses chapitres, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte un titre comme un hukm, bab hukmu kada wa kada, et puis il rapporte le dalil en dessous. Il y a un bab que vous connaissez tous. Bab al-ilm qabl al-qawli wa al-amal. Voilà, le fiqh il est déjà là. le chapitre de la science avant la parole et l'action. Wad-dalil qawlu ta'ala. Hein? Directement, Dalil les rapporte. D'accord? Donc ici, la même chose. Le hadith sabi, vous voyez déjà dans le titre, le fiqh, qu'est-ce qu'on va traiter ici? Al-amru kulluhu lillah wahdahu la yusharikuhu fi nabiyun wa la malakun wa la ghayruhuma. D'accord? Tout l'ordre divin appartient à Allah seul et ne s'associe avec lui ou en associe avec lui dans cet ordre ni prophète, ni ange, ni toute autre chose. D'accord? عن أنس في حديث نقص الحديث أنس عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء سورة آل عمران 128. Donc le hadith, premier hadith, رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. Donc je traduis et je vous donne les références, comme on fait d'habitude, inshallah. D'après Anas, qu'Allah l'agré, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut blessé au visage, à Uhud. Et ici, Ruba'iyah, j'ai assez de mal à traduire ça, parce que Ruba'iyah, c'est une des dents, d'accord ? Ils traduisent, moi j'ai regardé dans le dictionnaire, ils traduisent ça par incisive. Mais attends, hein. Ils disent après que c'est celle qui est avant... Ou après, Athaniya. Athaniya la traduit aussi par incisive. Donc là, j'avais un problème au niveau de la traduction, tu vois. En résumé, Ruba'iyah, c'est quatre dents. Il y a quatre dents. Allah alim. Hein? Les canines, il n'y en a pas quatre. Hein? Si quelqu'un sait traduire ça, qu'il m'aide parce que. Hein? Ruba'iyah. C'est pas grave, on trouvera un jour, Inch'Allah, et on pourra le rapporter. Donc Ruba'iyah, c'est un genre de dent. On va traduire ça peut-être par incisive ici. C'est entre parenthèses. Donc fut cassé et il dit alors comment peut réussir un peuple qui a blessé leur prophète? Fut alors révélé le verset dont la traduction rapprochée est tu n'as, yani Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Surat Ali Imran, verset 128. Et le hadith il est rapporté par le Bukhari, Kitab al-Maghazi. Donc dans al-Bukhari dans son authentique chapitre des expéditions. Muslim, dans son Sahih également, évidemment, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, chapitre du Jihad, Al-Tirmidhi, dans Sunan, chapitre de l'exégèse, Kitab al-Tafsir, et Ibn Majah, dans Kitab al-Fitan, dans Sunan, Kitab al-Fitan, chapitre des troubles, si vous voulez, ou des, hein, et Ahmad, dans son Musnad. Donc, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad. Deuxième hadith, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء رواه البخاري والنسائي وأحمد والترمذي. Donc ici on va d'abord traduire. Deuxième hadith, d'après le fils de Omar, donc Abdullah ibn Omar, le fils de qui? Omar ibn Khattab رضي الله عنهما, qu'Allah les agrée tous deux, qu'il a entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire lorsqu'il revenait il relevait sa tête de l'inclinaison de ruku' dans la première unité de la prière de l'aube, le fajr. Donc après ruku', qu'est-ce qu'on dit? Donc ici justement il dit dans la première unité de la prière de l'aube, oh Allah maudit un tel et un tel, après avoir dit Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Donc le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait dans la première raka'at de l'fajr? Après avoir fait le ruku', il s'est relevé, il a dit Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Et puis il a dit Allahumma la'an fulan wa fulana. Oh Allah maudit un tel et un tel. Pardon? Première. On a dit raka'at l'oula. On a dit l'akhira, hein, en arabe. Je vérifie. Naam, l'akhira, donc c'est la dernière. Hein? Donc la dernière, c'est juste, c'est-à-dire la seconde unité de prière, la seconde raka'a, après Raf'a min al-ruku', Hein? Il a fait ce qu'on appelle qunut. Il a fait dua sur certaines personnes. Donc, fut alors révélé le verset dont le sens est: tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Jusqu'à la fin du verset. C'est-à-dire qu'on a dit toujours, quand on dit al-ayah, taqdir c'est akmil al-ayah. Hein? Al-ayatan, normalement, ils écrivent toujours dans les livres al-ayah. Ça veut dire que l'ayah n'est pas complète, termine l'ayah. Donc, vous voyez la précision des ulama quand ils rapportent un verset du Coran. Et dans une autre version du hadith, il invoquait contre Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amru et Al-Haris ibn Hisham. Fut alors révélé: tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Mohammed, c'est entre parenthèses, le verset dit: tu n'as aucune part dans l'ordre divin, mais évidemment, ça s'adresse à Mohammed. Ce hadith a rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, chapitre des expéditions, Kitab al-Maghazi, Al-Nasa'i dans Sunan. Et Ahmed dans son Musnad et At-Tirmidhi dans Sunan. Donc si on veut les mettre dans l'ordre, Bukhari, Tirmidhi, An-Nasa'i ou Ahmed. D'accord? Alors qui sont les deux rapporteurs du hadith? Sahabiya al-Hadith. Premier c'est Anas. Qui est Anas? Anas ibn Malik al-Ansari al-Khazraji. Sahibu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa khadimuhu. Khadim al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin wa lahu 1000 wa mi'ata hadith. Donc qui est Anas ibn Malik? Vous connaissez sûrement Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Al-Ansari, c'est un Ansari. Al-Khazraji. Sahibu Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et son serviteur, Khadimuhu. Il fut au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans. Ben, qu'est-ce que ça implique évidemment? C'est qu'il a vécu beaucoup de choses, il a entendu beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et il a rapporté donc 1286 hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hmm? Et subhanallah, pour les frères, on avait déjà cité ce hadith. Hein? On avait cité le hadith Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Il y a plusieurs versions du hadith. Mais hein, qu'Allah il embellit, Cheikh Mokbeli dit, hein, Naddar Allah, c'est une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayja'alahu dhanazaratin, qu'Allah il embellit. Et Cheikh Abdelrazak al-Badr, si vous voulez retourner à son site internet, il explique ce hadith dans une khutba du Mu'a, il dit que, qu'Allah il embellit intérieurement et extérieurement. Celui qui quoi? Qui entend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui la comprend et qui la transmet. Donc là-dessus, je sais peut-être qu'il y a des frères qui ne sont pas au courant, surtout les frères qui viennent de revenir de l'Umrah, etc. J'ai lancé une petite compétition avec les frères. Hein? De mémorisation du hadith, qu'on se motive entre nous, inshallah. Et j'ai lancé dans l'Oulou al-Marjan, Fima Tafra Ali Sheikhan. Moi, vous n'ayez pas peur, il y a 1906 hadiths. Hein? Comme Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit un hadith, deux hadiths, trois hadiths, en fonction de ta capacité. Tu prends le hadith, tu trouves le charh du hadith, tu le lis, tu le comprends, et après tu le rapportes, hein, à autre que toi, et tu rentres, inshallah, dans la dua. Et Cheikh, il dit, yani, le musulman, il doit essayer de rentrer dans cette dua. Naddarallahu imra'an. C'est une dua du prophète, ça. C'est une dua. Le prophète, ça, il l'a accepté ou pas? Non. Naddarallah. Regardez, si tu veux rentrer dans cette dua, mémorise le hadith et comprends-le et rapporte-le. D'accord? Regardez, pourquoi j'ai rapporté ça ici? Anas ibn Malik, radiallahu anhu, 1286 hadiths qu'il a rapporté. Dont 168, ça c'est important, dont 168 rapportés par le Bukhari ou le Muslim. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'Oulou al-Marjan? Qu'est-ce qu'on va trouver? Exactement. Pourquoi? Parce que l'Oulou al-Marjan, Fima Tafaqa Ali Sheikhan, l'Oulou al-Marjan, c'est un sheikh qui a pris tous les hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim, qu'on appelle Al-Muttafaq Ali. Hein? Le hadith Muttafaq Ali. Ou bien, si vous voulez, Al-Hadith Al-Muttafaq Aliha. Hein? Tous les hadiths que le Bukhari et Muslim, ils sont d'accord, ou plutôt, ils ont les mêmes conditions. Hein? On les retrouve tous les deux dans les deux sahihs, en fait. Donc, c'est-à-dire que le hadith, on le retrouve dans Bukhari et on le retrouve en même temps dans Muslim. Une fois qu'on retrouve un hadith dans le Bukhari Muslim, il s'appelle Muttafaq Ali. C'est-à-dire que les deux shirs ont été d'accord, si vous voulez, pour le rapporter dans chacun, dans leur réciproquement, dans leur authentique. D'accord? Donc le shir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous ces hadiths-là, il les a mis à part. Et il écrit donc ce qu'on appelle l'Oulou ou al-Marjan. Et un shir du Yémen qui... Parce que le shir qui a fait ça, il n'était pas spécialiste dans le hadith, mais il était spécialiste dans la classification et la numérotation. Il s'appelle Fouad Abdelbaqi. C'était pas un muhadith. Hein? Donc, qu'est-ce que le shir du Yémen, un shir du Yémen a fait avec une préface de Cheikh Mohammed Imam, Al-Wassabi, Et je pense que Cheikh Al-Hajouri aussi. Les trois cheikhs, ils ont préfacé son livre en deux tomes. Et donc le cheikh, il a corrigé quelques petites choses qu'il fallait corriger, d'accord? Donc si je vous conseille d'étudier, c'est plutôt dans cette édition-là, Inch'Allah. Donc, il a rapporté 168 hadiths dans Al-Bukhari et Muslim. Il est mort à Basra, qui est en Irak, alors qu'il avait dépassé les 100 ans. Donc il a une longue vie. 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son service. Allahu Akbar. 1286 hadiths. Allahu Akbar. 168 dans le Bukhari ou Muslim. Hein? Mashallah. Et Abdullah ibn Omar al-Qurashi al-Adawi. Donc le deuxième sahabi, c'est أسلم قديما بمكة مع أبيه وهاجر وهو ابن عشر وقد شهد الخندق وما بعدها وما وكان من سادات الصحابة وفضلائهم لازما للسنة فارا من البدعة ناصحا للأمة مات سنة 74 هجرية. Donc qu'est-ce qu'on dit ici par rapport à Abdullah ibn Omar رضي الله عنه ما pourquoi les deux. Son père aussi, Omar ibn Khattab. Regardez quelle personne, Abdullah ibn Omar, quelle personne et son père qui il est, subhanallah. Hein? Al-Qurashi al-Adawi. Donc il fait partie de Quraysh. Converti à la Mecque avec son père. Il a émigré à l'âge de 10 ans. Allahu Akbar. Il a fait le hijra à 10 ans. Et a pris part à la bataille du fossé, Al-Khandaq. Et aux batailles qui lui succédèrent. Donc à partir de Khandaq, il a pris part à toutes les batailles. Il faisait partie des compagnons, des meilleurs compagnons, et parmi les plus nobles des compagnons, wafudallahihim, hein, ceux qui ont le plus de préséance. Et si regardez Cheikh Rabi', et on connaît Cheikh Rabi' pour son amour de la sunna, sa défense de la sunna, regardez comment il décrit Abdullah ibn Omar. Il se cramponnait à la sunna, lazim al sunna, et s'enfouillait de l'innovation. Il faisait le conseil à la communauté. Il mourut en l'an 74-74 de l'Hégire. D'accord? Donc maintenant, on rentre dans Mufradat al-Hadith, le vocabulaire du Hadith. Al-Shajjou, pourquoi on a dit Shajj ici? On a dit, par rapport au verbe qu'il a utilisé dans le Hadith, Shujja. Hein? On appelle ça en arabe quand on utilise ce type de dans la conjugaison, le mode impersonnel, on appelle ça en arabe mabni lil majhoul ou bien liman lam yusamma fa'iluhu. Shujja a été, si vous voulez, hein, a été blessé. Shujja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la grammaire arabe, c'est na'ib fa'il ici, d'accord? C'est important de prendre des petits points de grammaire de temps en temps dans la langue arabe pour fortifier un peu la langue arabe. Donc ici shajj, il dit c'est quoi? Fil asli fil ras khassatan. Donc la base de ce mot là, c'est que c'est une blessure à la tête d'abord. On va traduire après, Inch'Allah. وَهُوَ أَنْ تَدْرِبَهُ بِشَيْءٍ فَيَجْرَحُهُ وَيَشُقُّهُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ. Donc, qu'est-ce qu'il dit il dit, c'est-à-dire blessé à la base, à la tête, plus particulièrement. Et c'est le fait de taper la tête avec quelque chose et donc de blesser la tête et la fendre. Et ce mot fut ensuite utilisé également pour les autres membres du corps. Donc si quelqu'un vous demande c'est quoi shujja, vous dites que c'est le fait d'être blessé, mais dans un membre du corps, mais à la base c'est être blessé à la tête, d'accord? Alors ici on arrive au mot qui m'a un peu posé problème, rubaïya. Ça arrive dans les traductions. Chaque dent après l'incisive. Pourquoi? Parce que Cheikh ici dit en fait, regardez en arabe, kullu sin ba'da thaniya, ba'da thaniya. وبعد ثنية ثنيسي وللإنسان أربع رباعيات. Alors ici il dit c'est justement la dent qui vient après ثنية. Or quand je regarde dans le dictionnaire, je trouve tous les deux qu'on les décrit en, je suis pas très fort en dentisterie, mais ils décrivent tous les deux comme incisives. Hein? Mais bon, c'est important juste de savoir que il était blessé dans ses dents, qu'elles ont été cassées, et c'est les dents qui vont par quatre dans la bouche, d'accord? Al-Ruba'iyya, retenez ça comme ça, et après, Inch'Allah, si des frères peuvent faire une recherche plus détaillée, ou si moi-même je trouve, Inch'Allah, on le rapportera, Inch'Allah. D'accord? Donc, ici dit, chaque dent après l'incisive, on va traduire ça comme ça, et l'être humain a quatre Ruba'iyya. Donc, Cheikh Rabi' dit, et l'être humain a quatre Ruba'iyya. D'où le mot d'ailleurs, Ruba'iyya. Hein? Ensuite, il dit al-falah. C'est quoi al-falah? Al-fawzu bil-matloub al-a'zam. Al-fawzu bil-matloub al-a'zam. La réussite dans ce qui est demandé de plus important. Al-fawzu bil-matloub al-a'zam. Al-la'n. Quand l'an vient d'Allah, la malédiction d'Allah, hein, il dit, Cheikh Rabi'i, il dit, At-tardu wa li-ba'adu min Allah. Wa min al-khalq, as-sabbu wa du'a. Cheikh, on prend des divisions dans les choses, des définitions, c'est important. Hein. Ici, l'an, c'est quoi? L'an d'Allah, la malédiction d'Allah, qu'Allah nous en préserve, c'est-à-dire l'éloignement d'Allah. Hein? Et certains mashir, je pense, ils disent Al-Bu'adu an rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Al-Tard an rahmatillah, le fait d'être nid de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ça vient d'une créature, la malédiction d'une créature, hein, Cheikh dit Wamin al-Khalq, c'est-à-dire l'injure et l'invocation. As-sabbu wa du'a. As-sabbu wa du'a. Le sens général du hadith, ici, le ma'na al-ijmali du hadith, Khada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ma'raka, yawma uhudin. ضد أعداء الله المشركين فهزم المشركين في أول المعركة ثم بسبب مخالفة بعض الجيش لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكمة أرادها الله دارت الدائرة على المسلمين فاستشهد بعض الصحابة وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله بجروح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبعدا فلاح هؤلاء المشركين ودخولهم في الإسلام حيث بلغ بهم السفه والعناد إلى هذا الحد كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ثم دعا على جماعة من صناديدهم فماذا كان donc ici الشيخ dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a participé au combat le jour de Uhud contre les associateurs, les ennemis d'Allah. Il mit en déroute les associateurs dès le début du combat et ensuite, à cause de la désobéissance à l'ordre du messager d'Allah, d'une partie de l'armée. Alors, qui s'est me rapporté ici? Parce que je ne le rapporte pas, c'est peut-être important de le rapporter. Qui s'est me rapporté? Quel était l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a désobéi à ça et pourquoi les koufars ont repris le dessus après ensuite sur les musulmans? Levez la main, Fadalou. Vas-y. Donc le prophète Sassam avait demandé aux archers de rester en position sur la colline et de ne pas bouger même en cas de victoire. Ça, c'était important. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc c'est qu'il y a eu la victoire et que donc il y avait ce qu'on appelle Ghanimat al-Jihad, c'est-à-dire le butin. Et certains d'entre eux voulaient leur part. Donc certains sont descendus. Ils ont donc désobéi à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était un fin stratège et qui n'était pas musulman à l'époque? Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, avant qu'il se convertisse à l'islam. Hein, et vous connaissez sa fine stratégie, son art de la guerre, dans l'art de la guerre. Il a vu le trou chez les musulmans et il est rentré avec les cavaliers. Et donc les koufars ont repris les dessus. D'ailleurs, le prophète Sassam s'est retrouvé seul. Hein. C'est important de lire cette partie-là de l'histoire, de la biographie du prophète Sassam. Parce que c'était un jour qui n'était pas facile pour les musulmans. D'ailleurs, Abou Bakr Sadiq Omar était loin du prophète Sassam, ils sont revenus ensuite. Le prophète Sassam a dû se défendre. Et qui a envoyé Allah Azza wa Jal? Il y a des gens, des sahabas qui sont venus. Ce n'est pas le sujet ici, mais on pourra préparer ça à l'occasion. Mais certains sahabas ont dit qu'ils ont vu deux anges et qu'ils n'ont pas revu ensuite. En fait, deux hommes vêtus de blanc, en fait, qu'ils n'ont pas revu ensuite. En fait. D'accord? Ce n'est pas le sujet ici, mais c'est important de rapporter pour qu'on comprenne quel est l'ordre. Et quelle était la désobéissance ici, d'accord? C'est et qui a mené justement au fait, qui a amené au fait que le professeur a été blessé. Et si vous savez, c'est que ce qu'on appelle le mirfar, le casque du professeur est rentré dans ses joues. Donc ici, Cheikh dit, ils ont donc désobéi. Donc une partie de l'armée, ils ont désobéi à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et pour une sagesse qu'Allah a voulu. Ça, c'est important ici. C'est pas pour rien. Allah, il a voulu ça, subhanahu wa ta'ala, dans l'irada al-kawniya, la volonté dans sa création. Allah, il l'a voulu par une sagesse qu'Allah a voulu. Regarde la précision de Cheikh Rabi' ici. Li hikmatin aradaha Allah, subhanahu wa ta'ala. La situation s'est retournée contre les musulmans et tombèrent en martyr certains compagnons. Et le messager d'Allah fut blessé. Il dit alors, en estimant la réussite et la conversion à l'islam de ses associateurs peu probables, hein, quand il a vu, hein, car ils étaient arrivés à ce degré de stupidité, d'entêtement, le professeur Hassan, il a vu loin, hein, le fait qu'ils se convertissent à l'islam et qu'ils réussissent, il a dit, comment peut réussir un peuple qui a blessé son prophète? D'accord? Il invoqua alors contre certains de leurs chefs, que se passa-t-il? Et on va traduire, on va lire en arabe et on traduira ensuite, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que Cheikh Rabi'a dit ici? فماذا كان؟ Que se passa-t-il؟ لقد أنزل الله العليم الخبير والملك المتصرف الذي له الخلق والأمر وله الحكم في الدنيا والآخرة على أكرم رسله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سورة آل عمران. أي للملك وحدي والهداية والإضلال رحمك الله بيدي لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت. ثم شاء الله الهداية لهم فهداهم الله للإسلام. الله عز وجل guidé ces gens-là à l'islam. فكانوا من خيرة جنوده وأخلصهم له وفتح الله بهم الدنيا وهدى الله أمما على أيديهم. فهل يكون من العقلاء من يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره أنه يعلم الغيب؟ ça c'est un dalil contre toutes les personnes et les sectes, notamment certains de soufis, qui croient que le prophète صلى الله عليه وسلم connaît l'invisible. Le professeur a fait dua sur eux parce qu'il ne voyait pas leur conversion à l'islam. Il ne voyait pas leur réussite quand il a vu le degré d'entêtement, hein, et de stupidité dans lequel ils sont arrivés, auquel ils sont arrivés. Hein? Et Allah Azza wa Jalla les a guidés à l'islam. Donc, من يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون وهل يكون عاقلا من يلجأ إلى غير الله في الشدائد وينتظر منه النجدة وكشف الكروب. إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Donc Cheikh ici termine en répondant à sa question, que se passa-t-il, hein? Il dit, Allah l'omniscient, celui à qui appartient la création et l'ordre divin et le jugement dans ce bas monde et dans l'au-delà, révéla au plus noble de ses messagers, c'est-à-dire qui ici, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble des messagers, alayhi sallatou salam, tu n'as Mohammed aucune part dans l'ordre divin, qu'il, c'est-à-dire Allah, accepte leur repentir ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. C'est-à-dire, la souveraineté revient à moi seul, yani Allah subhanahu wa ta'ala, et la guidance et l'égarement sont entre mes mains, les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut interdire ce que je donne, et rien ne peut donner à ce que j'interdis. Allah voulut qu'ensuite ils soient guidés, et Allah les guida vers l'islam. Et ils devinrent parmi ses meilleurs soldats et les plus sincères envers lui. Et Allah a conquis par eux le monde, et a guidé par eux des communautés. Ici, donc, Cheikh, ici, c'est une réfutation par rapport à ceux qui croient que le professeur Hassan croyait. Et je vous assure qu'il y a pas mal de monde qui croit ça, hein, que le professeur Hassan croit, connaissait l'invisible, hein, le ghaib. Et donc, ici, Cheikh dit, et sera-t-il donc considéré parmi les gens doués de raison, celui qui croit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou autre que lui, connaît l'invisible et dispose de la création, hein? Est-il doué de raison, celui qui cherche refuge auprès d'autre qu'Allah, dans la difficulté, et attend de lui le secours et dissipe son affliction? Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. D'accord? Maintenant, on arrive à Al-Fawa'id al-Hadith. Ma yustafadu min hadhain al-hadithain. Donc, Cheikh ici prend quoi? Les Fawa'id de ces deux hadiths. Hadith de qui et de qui? Anas ibn Malik, barakallahu fik, et Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Donc ici, Cheikh dit, « Fihi wuku'u al-asqam wal-ibtila'u bil-anbiya li-yu'lama annahu min al-bashari tusibuhum mihan al-dunya wa yatra'u ala ajsamihim ma yatra'u ala ajsami al-bashar li-yutayakana annahum makhlukun marbubun wa la يفتتن بما أو يفتتن بما ظهر على أيديهم. Ici, je pense que il manque un ya ici. أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم قاله القرطبي. Donc c'est une faïda que le Qurtubi a ramené. Et Cheikh, ce qu'il dit ici, on traduit que les prophètes, donc premier point qu'on peut tirer de manière synthétique, que les prophètes, alayhi salatu wa salam, sont éprouvés et touchés par les maladies pour que l'on sache qu'ils sont humains. C'est une réfutation, ils ont beaucoup de mauvaises croyances et beaucoup d'associateurs. Hein. C'est que quoi ? C'est que les prophètes sont des êtres humains et qu'ils sont touchés par ce quoi sont touchés les êtres humains, d'accord ? Qui ne sont pas des divinités et qui n'ont pas des caractéristiques de divinités. Ils sont touchés par les épreuves de la vie et leurs corps sont touchés par ce que touchent les corps des humains. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les hikmatin, hein, aradaha Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de sagesse dans cette histoire de Uhud, hein, d'accord. Que les corps des humains, que leurs corps sont touchés par ce que touchent les corps des humains pour que l'on ait la certitude qu'ils sont créés et sous la seigneurie d'Allah. Marbouboun, makhloukoun, et pour que l'on ne soit pas troublé par ce qui apparaît d'eux comme miracle. Et que Satan, Shaitan, qu'Allah nous préserve de lui, ne nous trompe pas sur eux comme il a trompé les chrétiens et d'autres. Hein? Pourquoi ici, Cheikh dit ça par rapport aux chrétiens? Ben, ils ont une croyance bâtée, la veine, fausse, sur Isa alayhi salam. Il lui donne des caractéristiques de divinité, et même, hein, il lui donne carrément la caractéristique de Dieu, ou l'adou billah. Hein, on a vu réfutation dans le hadith qu'on a vu avant. Wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Vous vous souvenez dans le hadith, d'accord. Et c'est une faïda ici qui est, c'est la parole qui est rapportée par l'imam al-Qurtubi, d'accord. Deuxième faïda, la faïda al-thaniya, fihi masru'iyatu al-qunuti fi an-nawazili. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Le fait que le qunut est légiféré lors des calamités et de grands malheurs. Qui sait me dire comment on a tiré ça de ce hadith ici? Tfadal. Mata. Barakallahu fik. Badaraf. Zakallahu khairan. Naam. Donc, ici, le frère ici, Zakallahu khairan, nous dit que. On a pris ce hadith comment, hein, quand on fait toujours cet exercice de prendre du hadith, c'est que quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la deuxième, lors de la salat al-fajr, la salat de l'aube, deuxième raka'a, la dernière, il a fait ce qu'on appelle le qunut, c'est-à-dire qu'après le fait de se relever de ruku', comment on traduit ça, le ruku' encore? Inclinaison, il s'est relevé, il a dit ce qu'on dit après le ruku', on dit « Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd » Et il a fait du'a, c'est ça le qunut, il a fait du'a sur certaines personnes. Foulan dans une riwaya, l'autre riwaya qu'on a vu après, on a cité les noms, d'accord. Donc c'est là qu'on a tiré. Le fait que le qunut est légiféré, c'est mashrou'. Petite faïda, c'est que le qunut, dans le nawazil, lors des calamités, il faut demander l'autorisation au hakim. Cheikh Salah Ali Cheikh dit ça, d'accord. C'est que le qunut, on demande l'autorisation au gouvernant avant de le faire. Mais pas comme beaucoup d'imams, hein. Yallah, bismillah, quelque chose qui se passe, on y va. Non. On demande l'autorisation au hakim de le faire. C'est parmi les choses qui. Comme Cheikh cite d'autres choses, par exemple, le Jumu'ah, etc. Autorisation au hakim. Troisième point. Wa fihi jawazu du'a'i ala al-mushrikin bi'ayanihim fi salah, wa la yu'athiru dhalika fi salah. Troisième point. L'autorisation de faire des invocations contre les associateurs en citant leur personne dans la prière, et que cela ne diminue en rien la prière. Ça n'influence en rien la prière, si vous voulez, d'accord. Qui sait me rapporter comment on a pris ça du hadith, comme le cheikh a pris ça du hadith, et qui me sait citer les noms qui ont été cités ici? Vous pouvez vous aider des notes, il n'y a pas de problème, ou du livre. Hein? Comment est-ce qu'on voit que c'est autorisé de faire des invocations contre les associateurs en citant leur personne, leur nom? Dans la deuxième version du hadith, vas-y, ouais. Safwan ibn Umayya, c'est juste, vas-y. Walharith ibn Hisham, c'est juste, barakallahu fik. Et le troisième, Suhail ibn Amru. Donc on répète pour retenir les noms. Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amru, Walharith ibn Hisham. On répète encore une fois. Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amru et Walharith ibn Hisham. D'accord. Donc c'est là que le prophète, que Cheikh Rabi a appris donc cette faïda là. Quatrième et dernière, inshallah, c'est que وفيه أن الأمر والملك كله لله. فقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المشركين وسادات الصحابة يؤمنون. Ça veut dire quoi le verbe ammana, yu'amminu? Le fait de dire amin, qu'est-ce que veut dire amin? On va laisser, hein? Allahumma stajib lana, c'est ce qu'on appelle en arabe, en grammaire arabe, hein? Barakallahu fik, ismu fi'lin, bima'na stajib lana. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui disent amin, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Amin, Allahumma stajib lana, oh Allah, répond à notre invocation, exauce notre invocation. Allahumma stajib lana, amin. D'accord? Donc ici, le cheikh dit yu'amminoun. C'est-à-dire que le prophète s'en fait du'a, et qui est derrière lui? Sahaba, qu'est-ce qu'ils disent? Amin. D'accord? Donc ici, on répète وَفِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ وَالْمُلْكُ كُلُّهَ لِلَّهِ فَقَدْ دَعَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَسَادَاتُ الصَّحَابَةِ يُؤَمِّنُونَ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لَهُمْ فِي الْمَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ هَدَاهُمُ اللَّهُ لِلْإِيمَانِ. Pour ceux qui veulent retrouver cette faïda dans la langue arabe qu'on a rapportée, je pense que c'est dans le troisième volume de Médine, le troisième tome de Médine. Je pense qu'il parle d'Ismou Fialin et il cite Amin et donne si je me souviens bien, c'est dans le troisième tome de Médine. D'accord? Pour ceux qui veulent revenir à la règle de grammaire, d'accord? Amin. Donc, quatrième point ici, que l'ordre divin et la souveraineté reviennent totalement à Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait contre les associateurs et les plus nobles des compagnons désirés derrière lui. Regardez un peu, imaginez-vous un peu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, le meilleur des êtres humains, il fait du'a à qui? Du'a al-mustajaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a accepté. Il fait du'a à Allah, Rabbil Alamin. Quand? Al-Fajr. Regardez le maqam un peu. Hein? Deuxième raka'ab, khirraf amin al-rukwa. Allahumma, hein? L'an fulanan, wa fulanan. Hein? Il fait demande. Et qui est derrière lui? As-sahaba, le meilleur des gens après lui. Hein? Un pote de sa communauté, hein? Qu'est-ce qui se passe? Allah n'a pas accepté, n'a pas répondu à cette invocation-là et les a guidés à l'islam. Donc ici, on prend de ça que l'ordre divin et la souveraineté reviennent totalement à Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre les associateurs et les plus nobles des compagnons désirés derrière lui, amin. C'est-à-dire, oh Allah, accepte de nous. Et malgré cela, Allah n'a pas répondu à leurs invocations. Contre eux, yani contre les associateurs à l'époque, mais les a ensuite guidés vers la foi. Et on a fait donc des croyants. D'accord? Et Cheikh Al-Uthaymin, je pense que c'est dans Sharh Kitab Touhin, puis Fa'id aussi dans la langue arabe ici, Allahumma. Qu'est-ce que c'est cette notion de dire Allahumma? Il dit Al-Mim, Ad-Dalla ala al-Jam'a, Kannaka tajma'u qalbaka ala al-Dua. Il dit Al-Mim, c'est ce qui indique le fait de regrouper, comme si tu regroupais ton cœur sur le doua. Ça, c'est sur l'Uthaymin, hein? Subhanallah. Allahumma. Hein? Comme si tu regroupais ton cœur. Allahumma. D'accord? Et avec ça, on a fini le 7e et 8e hadith. Alors, question, est-ce que vous voulez qu'on fasse le 9e? On s'arrête ici? On a combien de minutes? On a encore plus d'une demi-heure. Non, plus d'une demi-heure, non? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'arrête ici? On se repose un peu? Les gens qui veulent faire lire un peu de Coran, etc. Je vous laisse le choix, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous voulez? Dites votre avis. Hein? Il est court. Voilà, aqil ou yafam. Le frère me dit le hadith est court, c'est-à-dire que celui qui comprend, on continue, Inch'Allah. An Anasin, donc le hadith tasi' sidqul iman. Sidqul iman. An Anasin, radiallahu anhu. Voilà, si vous voulez la véracité de la foi, sidqul iman. An Anasin, radiallahu anhu. An Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi. ووالده والناس أجمعين. أخرج البخاري ومسلم. دكتور الحديث كنا بل متفق عليه. متفق عليه. بارك الله فيكم. نعم. راوي الحديث. تقدمت ترجمته في الحديث السابع سكي الحديث الصحابيسي عن أنس كوز كنا بارد أنس maintenant juste avant dans le hadith numéro 7 donc il dit il n'y a pas d'utilité de refaire sa biographie puisqu'on l'a fait تقدمت يعني sa biographie a précédé donc celui qui veut revoir s'il a déjà oublié hein, il va revoir les notes qu'on a prises pour le hadith numéro 7 d'accord الشرح الإجمالي للحديث je vous traduis peut-être le hadith d'abord non d'accord D'après Anas, qu'Allah l'agré, que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'un d'entre vous ne croira pas, ici on va voir l'explication de « ne croira pas hein, », tant que je ne serai pas plus aimé par lui, ainsi que son enfant et son père et tout le monde. » Ce hadith il est rapporté par le Bukhari, dans son sahih, chapitre de la foi, Kitab al-Iman. Et muslim, dans son sahih, chapitre de la foi également. Donc si c'est facile, ça hadith Anas, Bukhari ou muslim, tous les deux dans Kitab al-Iman. Hein? Le rapport du hadith, le rapporteur du hadith, sahabi, c'est Anas ibn Malik, radiallahu anhu. On a dit c'est un ansari. Ansari ou pas? On a déjà oublié. Hein? Ansari, c'est tout ce qu'on a dit. Khazraji, barakallahu fik. Hein? Il a travaillé combien d'années avec, il a servi combien d'années le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans. Mort à quel âge? Après 100 ans. Hein? Quoi? À Basra, barakallahu fik. Le sens général du hadith, le charh al-ijmali lil hadith, لن يكون المرء مؤمنا حق الإيمان. Ah, c'est ça qu'on a dit, حق الإيمان. حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه ممن تربطه بهم روابط القرابة والنسب أو روابط الصداقة والمصلحة فإذا كان حبه يفوق من أنجبه ورباه من والدة وأب وجد وجدة ويفوق حب أفلاذ كبده ويفوق حب الزوجة والعشيرة وسائر من تربطه بهم علاقة اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو رابطة أو مصلحة إذا كان حاله كذلك فإنه حينئذ يكون مؤمنا حقا donc sans général du hadith qu'est-ce que nous dit le cheikh ici l'individu ne sera croyant de la vraie croyance c'est ça hein? de la vraie croyance que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sera aimé par lui plus que ceux qui font partie de ses proches. Que tu aimeras le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que tu aimes tes proches. Ou avec lesquels il a des liens de parenté, si tu as des liens de parenté avec eux. Ou des liens d'amitié, ou des liens dans les affaires, tijara. D'accord ? Si son amour dépasse celui qu'il a mis au monde, regardez l'amour, le degré de l'amour. Tu l'aimes plus que la personne qui t'a mis au monde. Hein ? Ta mère. Hein ? Et l'a élevé comme mère. Père. Grand-père, grand-mère, hein, et dépasse l'amour de ses enfants, même tes enfants, qui sont la prunelle de ses yeux. Hein, je traduis ça alors qu'en arabe, c'est pas ça. Hein, c'est difficile à traduire. Hein, Aflad al-Kabid, hein, en arabe, ça fait référence au foie. Hein, hein, d'ailleurs, c'est pour les frères maghrébins, ils ont toujours le kibda d'Yéli, hein, mon foie. C'est, quand ta mère te dit ça, c'est pas parce qu'elle pense à son foie, hein. C'est une manière de te dire que hein, c'est Annie, comme si c'était la chair de sa chair, Annie, hein, la partie la plus importante d'elle-même, Annie. Hein. Donc ici, on a traduit ça pour une expression française, la prunelle de ses yeux, prenez ça comme vous voulez. Hein. Et dépasse l'amour de son épouse hein, et sa famille et tous ceux à qui il est lié par des liens sociaux ou politiques ou commerciaux ou n'importe quel autre lien ou affaire. Ni n'importe quel lien qui te tisse avec cette personne, qui te lie avec cette personne-là, que ce soit la parenté, l'amour, les liens de politiques ou commerciaux, etc., ou sociaux, hein, tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que cette personne-là. Si telle est sa situation, il sera alors un vrai croyant. D'accord ? Akum salam. Inch'Allah, on va s'arrêter ici, parce que je n'ai pas traduit le reste du hadith. Et je n'aime pas faire des traductions, comme vous le savez, en live, en direct, Inch'Allah. Je préfère les préparer à la maison. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, on a vu le hadith 7. Non, 5, 6. 7, 8. Le 9. Mais il nous reste à voir quoi ? La fin de l'ma'na al-ijmali du hadith, c'est-à-dire la fin de l'explication du hadith. Et puis après, les fawa'id, na'am. Les fawa'id, c'est-à-dire les bienfaits tirés du hadith. Inch'Allah, il reste on va dire, une page et quelques lignes. Donc, c'est pas beaucoup. Et après, on est dans le hadith, le numéro 10, qui a pour titre « At-tamassuk bil-kitab wa-sunnah wa-sunnat al-khulafa al-rashidin ». Le fait de se cramponner au Coran, à la sunnah, et à la sunnah des quatre califes bien guidés. D'accord ? Donc, petite question ici, pour terminer en beauté, Inch'Allah. Vous connaissez tous le hadith de l'Irbad, hein ? Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit le professeur Hassim dans Hajjat al-Wada'? Il leur a dit Alaykum bisunnati. Il a montré le mal qui va arriver, la division, et il a donné en même temps le remède. Hein ? Alaykum bisunnati. Attachez-vous à ma sunna, sunnati. Et regardez la suite. Wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Comment ça se fait? Ah, la suite. Regardez là en grave comment elle est importante. Comment ça, la sunna des califes, c'est pas la même sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ma sunna et la sunna des quatre califes. Bien sûr que c'est la même sunna. C'est quoi le délil? La suite du hadith. Addu alayha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit addu alayhima. Il n'a pas utilisé le muthanna, le duel. Il a dit addu alayha, accrochez-vous à elle, une seule. Pas à elle au pluriel. À toutes deux. Regardez la langue arabe comment elle est précise. Et comme le prophète, hein? D'accord, donc ça c'est, on traitera ça plus dans le prochain hadith, mais rappelez-moi Inch'Allah que je vais terminer le 9e hadith et on termine là-dessus. Wa jazakumullahu khairan jazaa.